Cette manche à air est généralement implantée dans des zones où le vent souffle fréquemment avec violence. Son orientation et son inclinaison du moment permettent de connaître le sens et la force de celui-ci. Ici, le vent souffle très fort de la droite, ce qui peut entraîner des écarts de trajectoire vers la gauche. Pour réduire ce risque, je dois dès maintenant ralentir et tenir plus fermement mon volant. Réponse A et C.